Bhagavad Gita, chant 7. Connaissance et sagesse. Le Seigneur suprême dit: Cher Arjuna, écoute comment, en pratiquant le yoga et en prenant refuge en moi, la pensée absorbée en moi, assurément, tu me connaîtras totalement. Je vais te révéler entièrement cette connaissance et sa réalisation qui, une fois acquise, ne laisse rien d'autre à connaître. Parmi des milliers d'hommes, quelques-uns à peine s'efforcent d'atteindre la perfection. Et parmi ceux qui réussissent, un seulement vient à me connaître réellement. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intellect et l'ego sont les 8 divisions de ma nature. Ceci est ma nature inférieure, cher Arjuna, dont diffère, sache-le, ma nature supérieure, le principe de vie qui soutient cet univers. Sache que ces deux natures sont la matrice de toutes les créatures. Ainsi, je suis la source et la dissolution de l'univers entier. Il n'y a rien, absolument rien de supérieur à moi, cher Arjuna. Tout ceci est lié en moi, comme un collier de perles sur un fil. Je suis la saveur dans l'eau, Arjuna. Je suis la lumière dans le soleil et la lune. Je suis la syllabe Om dans tous les Védas, le son dans l'espace et la masculinité dans l'homme. Je suis le doux parfum de la terre et l'éclat dans le feu, la vie en tous les êtres et je suis l'austérité chez l'ascète. Sache que je suis le germe éternel de tous les êtres. Je suis l'intelligence de l'intelligent, la splendeur de ce qui est splendide. Ô cher Arjuna, je suis la force libre du désir et de l'attachement chez le fort, et, dans tous les êtres, je suis le désir qui n'est pas contraire au Dharma. Tous les objets et les êtres, qu'ils soient purs, actifs ou inertes, sache qu'ils sont issus de moi. Pourtant, je ne suis pas en eux, ils sont en moi. Trompé par ces états constitués des 3 qualités de la nature, les gunas, le monde ne me connaît pas dans mon aspect immuable et transcendant. En vérité, ma divine illusion, Maya, constituée des 3 gunas, est difficile à traverser. ceux qui prennent refuge en moi peuvent franchir cette illusion. Les êtres malfaisants, les ignorants, les êtres vils ne me recherchent pas. Leur discrimination a été détruite par leurs propres illusions et ils suivent une voie contraire à l'évolution. Quatre sortes d'êtres vertueux m'adorent, cher Arjuna. L'homme plongé dans la détresse, l'être épris de connaissance, celui qui veut la richesse et le sage, le Jnani. Parmi ces quatre sortes d'êtres vertueux, le sage, uni et consacré à l'unique, est le plus grand, car je lui suis extrêmement cher et il m'est cher. En vérité, ils sont tous nobles, mais je considère l'homme épris de sagesse comme moi-même, car son mental concentré, il est fixé sur moi seul qui suis son but suprême. Après de nombreuses naissances, l'homme épris de sagesse vient à moi, réalisant que tout ceci est le soi intérieur. Une âme si noble est très rare. Ceux dont la discrimination a été détruite par tel ou tel désir adorent d'autres divinités, suivant tel ou tel rite, conduits par leur propre nature. Quelle que soit la forme adorée par le fidèle avec foi, c'est moi qui rends sa foi inflexible. Doté de cette foi, il s'engage dans l'adoration d'une déité et obtient d'elle la satisfaction de ses désirs. Et tout ceci, en vérité, est ordonné par moi seul. Les fruits de cette adoration, obtenus par ces hommes peu intelligents, sont temporaires. Les adorateurs des Devas vont aux Devas, mais mes dévots viennent à moi. Ignorant ma nature supérieure, immuable et incomparable, les insensés pensent que moi, le non manifesté, j'ai pris une forme. Je ne me révèle pas à tous dans ma vraie nature, voilée par la divine Maya. Ce monde s'y trompe et ne me connaît pas, moi dont la nature est non née et éternelle. Cher Arjuna, je connais les existences passées, présentes et futures. Mais nul ne me connaît. À cause des dualités trompeuses nées du désir et de l'aversion, tous les êtres sont sujets à l'illusion au moment où ils naissent, cher Arjuna. Mais les hommes aux actions méritoires qui se sont libérés de tout mal, délivrés de l'illusion des dualités contraires et qui sont fermes dans leur discipline, m'adorent. Ceux qui, prenant refuge en moi, s'efforcent de se libérer de la vieillesse et de la mort, obtiennent la pleine connaissance de ce Brahman, du soi dans l'individu et du champ de l'action. Ceux qui me perçoivent dans le monde des objets, dans les facultés gouvernant les organes des sens et dans les perceptions, même au moment de la mort, l'esprit ferme, me connaissent. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le septième enseignement intitulé « Le yoga de la connaissance et de la sagesse ».